Kaiju, kaiju, Vegeta, t'es caché, et qui tu as eu tu ou Gan, c'est mon top qui a G, qui a chié, t'étais là, me caché, tes fichiers, tes sushis, ou Suran dans les pas, bang bang, dans la foulée, agro, faut pas douter de soi. Quand la vie te braque, faut pas reculer à l'aventure, je suis parti, peu d'amis j'ai rencontré, pourtant j'en voulais pas, mais sans une chasse t'es en charge, mais le jeu à l'horizontale, appelle-moi AD en sac à des. Fini le détail sur le raté. On va gros bail, j'vois que la lune baille juste pour palper le fric. J'dors pas, j'veux maille comme Kayo. Solo, j'vois ses bitches. Solo, j'vois ses bitches. Solo, j'vois ses bitches. Solo, j'vois ses bitches. On va gros bail, on va gros bail, on va gros bail, on va gros bail, on va gros bail, on va gros bail, aïe aïe aïe aïe. On va gros bail. Unga gros bail, unga gros bail, aïe aïe aïe aïe. Allez gros, je vais les faire danser, je vais pas leur faire de pas, je vais pas leur faire de bail. Pour moi j'ai rien dépensé, je continue avant, je me déplace dans du rail. Aïe aïe aïe aïe. Ce soir j'suis dans la ville à Miami. Ce soir j'suis Little Spoon comme un chubby. Et puis le temps. Tu joues à Itachi. Fonce des dans les rues de Six. Suce-moi en attendant mon prochain titre. Cette chaîne me regarde comme un manqué. La la la la la. Je sens j'suis dans la rush. T'es pas assez souvent, j't'ai pas compris. Ce soir j'tourne dans la ville, ça tire la nuit. Il me faut 9 milliers dans tout le pays. Passe le langage de mes ennemis. La foi, même quand on s'arrête. Un flash à moi, j'prie la nique et ma rame. Unga go bye, unga go bye, aïe aïe aïe aïe. Unga go bye, unga go bye, unga go bye, aïe aïe aïe aïe. Allez gros, j'vais les faire danser, j'vais pas leur faire de pas, j'vais pas leur faire de pas. Pour moi j'ai rien dépensé, je continue avant, je me déplace dans du rail.